je déteste d'âge. J'ai pas droite comme une blanche. Tout le monde se dérange, que ce soit noir ou bien blanche. Bouge, déteste d'âge. J'ai pas droite comme une blanche. Tout le monde se dérange, que ce soit noir ou bien blanche. Bounce, bounce, hein, for what, hein. Bounce, bounce, for the summertime. Volumineux soleil, je me réveille fatigué de la veille. Quand ma batch travaillé jusqu'à 5h du match, prends ma douche, mange un mon pantalon. Fatigué et parvenu à combattre le foie. Mais à ce soir, c'est mon foie qu'à prendre un coup ma foi. Avec joie, j'abuserai pour une fois. Dans mon champ, musique à fond, destination la sacre sac. Si me demande mes cartes, je monte en tabarnak. Grosse bouteille, breathe, margarita, jus d'orange, grenadine et tequila. On va se faire des bons drinks à ce soir, mon gars. Fenêtre à l'intérieur, regarde vers les jeux para. Croche vers les faces de rock, gros. Allume dans le micro, fais de la place aux escrocs. Et cette sauce synchro, c'est les accros. String en valeur pour rien à foutre. J'danse avec les décolletés, les jupes courtes. Les femmes sexy sont mes saoules. Et qu'on danse la foule pour que les gosses s'écroulent. À leurs pieds, on sait plus à quel fil. On me dit c'est nos berchers. J'm'en ramasse une quand même. J'espère au moins qu'elle a pas de problème. Apprendre qu'elle a la clé, mais ça pourrait me rendre blême. Pour faire gerber toute la boisson que j'ai bu. C'est de la bulle, mais mon but à soir, c'est de fêter l'été. Et scorer des vues avec des baies 18 jusqu'à ta choix plus. Capable d'en pogner le cul, yeah. Bounce, bounce. Bouge, bouge tes hanches, bouge, bouge tes fesses d'ange. Reste pas droite comme une planche. Tout le monde se dérange, que ce soit noir ou bien blanche. Bouge, bouge tes hanches, bouge, bouge tes fesses d'ange. Reste pas droite comme une planche. Faut que tout le monde se dérange, que ce soit noir ou bien blanche. Bounce, bounce, hein, but what, hein. Bounce, bounce, for the summertime. Summertime temptation, cause I can't decline a polite invitation. Bitch, who you searching? No stress, quiet while I'm recording. Tight skirt ignite my perversion. Sorry, yeah, we're disgusting. Avoid a conversation, you don't want it. Backseat of a weak car, I call you lustin'. I told you to shut the fuck up, but I'm bustin'. Dustin' marijuana everywhere. Bitches in the mist, planet of the heartless. You never know who's the best. I'm drinking my pockets in the St. John's Gate. Tidies at the bottom of the basket. Drunk, I'm smashing beats like it's pumpkins. Why the good Samaritans? Cause man, I love this bucket. Ain't calling names out cause I don't want it. Stop it. Rabbits meet puppets. It's Scream Wiggle, I love it. Loving above it. Sound a 10 in your carpet. Now take it and swallow it. Make it quick with brown milk if it's taken with noisette. Remember this. Rewind if you don't comprehend the lyrics. Let me do what I want with my dick, bitch. Tout le monde se dérange, que ce soit noir ou bien blanche. Bouge, bouge tes hanches, bouge, bouge tes fesses d'ange. Reste pas droite comme une blanche. Faut que tout le monde se dérange, que ce soit noir ou bien blanche. Bounce, bounce, hein, but what, hein. Bounce, bounce, for the summertime. The sun is burning, the chicks m'allument. Now comme la waterfall, habitude trop méchant, yo check the room. Them guys not so what when I flex, oh. Ready for sex, find a condom. Pour la planque, il faut pas que la vex. Ma si a de admin, ask her, hey she want it. Man, I know them, I feel plain, y'a gone, I feel con it. J'avance de pas sur, m'y a comme un flex, une si a la vex. Rap a bros clear, want me ask her for her hard sex. Ça veut, c'est ça que y'a fait, moi pas prier, j'vais pas parler. Tell them sugar, m'y a gone, I fuck. Bon cock, want me get stuck, y'a pour des niggas, be all like a rock. Si ça choque, la meuf provoque. À mes amis, les rétro, c'est ma meuf, what the fuck. N'y a gonna net, never another. Run the body boy, then don't know what you miss. Venom boy, be ready for some back, so I can miss. Bumble cut and you're closing, but y'all have been chosen. We took the ride with the rescue, that's the short time they're losing. Man, me no wanna fight, but what I should and show me something. Water out, ouch, move the junkie. Give me some more, want me ready for the grand flex. Ready for what, yes I be coming to flex. For the vaccine, I best should be sure I'm harder. Yeah, you so hot, I can't look yourself in the mirror. Oh, I wanna pass the night now with you. Bouge, bouge tes hanches, bouge, bouge tes fesses d'âge. Reste pas droit comme une blanche, faut que tout le monde se dérange. Que ce soit noir ou bien blanche. Bounce, bounce, hein, but what, hein. Bounce, bounce, for the summertime. Summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime.